Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que les Saguenayens de Chicoutimi ont mal entamé leur saison. D'abord, vendredi soir au centre Vidéotron, les Saguenayens se sont inclinés par le compte de 3-0. Les Saguenayens qui avaient démontré, n'ont pas beaucoup démontré d'enthousiasme durant ce match-là. Et samedi, en fin d'après-midi, malgré une excellente performance du gardien de but Xavier Potvin, les Saguenayens se sont inclinés 3-2. Kylian McKaysack a marqué un but et a amassé une passe. Et également Julien Tessier qui a aussi compté. Ligue nord-américaine de hockey fiche de 500 pour les hommes de Richard Martel en match concours en fin de semaine. D'abord, les Marquis ont perdu 4-2 contre les Blizzards de Trois-Rivières. Dans le match, notons que Simon Tremblay était en uniforme et il a été blanchi. Et dans l'autre rencontre, les Marquis l'ont emporté 6-2 contre Thetford Mines. Là aussi, Simon Tremblay est en uniforme et il a été blanchi. Ligue Midget 3, deux défaites pour les Sabres de Robertval. Hier, les Sabres sont inclinés par le compte de 4-2 contre les Marquis de Jonquière. Mathieu Thibault et Thomas Thibault ont marqué des buts. Et les Saguenayens de Chicoutimi ont gagné 5-3 contre les Sabres dans l'autre match. Samuel Bérubé a marqué un but et a massé une passe. Il y a également Maxime Paul qui a marqué, de même que Thomas Tremblay. Et les Éperviers de Normandie ont vaincu les Aiglons d'Alma 4-2. Ligue Midget Régionale, on a quelques résultats. Le Marcos Pub de Saint-Félicien a gagné 6-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Et hier, victoire du Marcos Pub 5-2 hier contre Jonquière. Les Ambassadeurs de Chicoutimi ont perdu 4-2 contre les Marquis de Jonquière. Ligue Bantam Régionale, maintenant victoire de 11-0 des Hurricanes de Mastouillache sur les Ambassadeurs de Chicoutimi. Et une autre victoire également de Mastouillache, 5-2 cette fois sur les Ambassadeurs. Belle victoire des Rapides de Beaumont-Cessy contre les Marquis de Jonquière par le pointage de 5-2. Patinage de vitesse sur courte piste, c'était les qualifications canadiennes en fin de semaine à Montréal. Et à noter chez les femmes, aux 500 mètres, Marianne Saint-Gelin a terminé au premier rang. Cassandra Bradette de Saint-Félicien a pris le troisième rang. Maintenant, à noter que chez les femmes, aux 1000 mètres, Marianne Saint-Gelin a pris le premier rang. Et la deuxième course du 1000 mètres, elle a pris le deuxième rang. Et aux 1500 mètres, Marianne a remporté la compétition. Chez les hommes, notons que Charles Hamelin a pris le deuxième rang aux 1500 mètres. Il a également pris le deuxième rang de la première course aux 1000 mètres. Et aux 1000 mètres, il a pris le deuxième rang. Tant qu'aux 500 mètres, mais encore une fois, Charles Hamelin a terminé au deuxième rang. C'était également la première compétition de patinage de vitesse sur courte-piste au niveau élite. Ça se déroulait à Sherbrooke au cours de la fin de semaine. Et Catherine Mailloux de Saint-Félicien a pris le 14e rang. Aussi, à noter que Flavie Laroche-Roy de Robertval a terminé au 17e rang. Maud Tremblay de Deboum-Sessigny, le 19e rang. Et Karina Momigny de Deboum-Sessigny, le 25e rang. Tant qu'à Marianne Gay de Saint-Félicien, elle a terminé au 35e rang. Notons chez les hommes que Maxime Simard de Deboum-Cessigny a terminé au 40e rang. Et au football, maintenant, il y avait un match qui nous intéressait au niveau juvénile. Victoire de Charles Gravel 39-0 contre les Faucons Barrette de Chibougamau. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.